C'est un petit monde étonnant où il pleut du méthane, où serpentent des rivières d'hydrocarbures et où des cryovolcans crachent de la glace d'eau. Bienvenue sur Titan, le plus grand des satellites de Saturne. Cet astre intrigue tellement les scientifiques qu'après l'envoi de l'atterrisseur Huygens à sa surface par l'Agence spatiale européenne en 2005, la NASA a annoncé en juin dernier qu'elle allait y envoyer un drone. Nom de code de l'opération Dragonfly. En quoi va consister cette mission inédite qu'espèrent découvrir les scientifiques? C'est ce que nous allons voir avec notre invitée, l'astrophysicienne Athéna Koustenis, qui est conseillère sur cette future mission d'exploration. Avec elle, nous partirons ensuite à la découverte de quelques autres satellites des planètes Saturne et Jupiter qui valent eux aussi le détour, comme Io et ses 400 volcans, Europe et ses geysers ou encore Ganymède et Encelade qui abritent dans leur profondeur des océans souterrains. En fin d'émission, nous basculerons dans la fiction avec le paléontologue Jean-Sébastien Steyer qui s'est livré à une analyse très scientifique d'une des plus terrifiantes créatures extraterrestres de l'histoire du cinéma, Alien. Voilà pour le programme de notre deuxième heure. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que notre prochaine mission de reconnaissance, Dragonfly, explorera la plus imposante lune de Saturne, Titan. Dragonfly sera la première expédition d'un drone capable de parcourir en volant plus de 150 km à travers l'épaisse atmosphère de Titan. Titan ne ressemble à aucun autre élément de notre système solaire et est à la fois ce qu'il y a de plus comparable à la Terre des premiers temps. Le matériel à bord nous permettra d'en analyser la chimie organique, de déterminer son habitabilité et de rechercher des traces chimiques de vie passée ou même présente. Cette mission révolutionnaire aurait été tout à fait inimaginable il y a seulement quelques années. Une grande nation peut accomplir de grandes choses. Nous allons lancer Dragonfly à la conquête des frontières de la connaissance humaine au profit de l'humanité tout entière. Nous étions le 27 juin dernier, la NASA annonçait très officiellement le lancement de la mission Dragonfly, Libellule, sur Titan, le plus gros satellite de Saturne. Athéna Koustenis, vous êtes astrophysicienne au laboratoire de recherche spatiale et d'instrumentation en astrophysique, le LESIA, à l'Observatoire de Paris-Meudon. Et vous êtes conseillère sur cette mission Dragonfly. Dans les grandes lignes, en quoi va consister cette jolie mission qui donne plein d'espoir. C'est très excitant, c'est fantastique. Je suis Titan depuis longtemps, si je puis dire. Puis comme son orbite fait 30 ans, j'ai le temps. Et voilà, là, on a de nouveau une mission. On vient de finir Cassini. Et notre rêve à tous, c'était d'avoir une nouvelle mission. Et là, c'est pas seulement une mission, c'est vraiment une mission au top de la technologie. Il s'agit d'un drone. Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus à fashion qu'un drone? Parce que effectivement, là, il s'agit techniquement d'un aérobot de type aérogire. Alors, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, en gros, c'est un aéronef qui est plus lourd que l'air et ce qu'on a comme exemple d'habitude, c'est les hélicoptères ou les drones. Et là, en l'occurrence, on va avoir 8 palmes qui tournent comme pour un hélicoptère. Et c'est comme les éoliennes sur Terre. Et donc, en fait, c'est un engin, il va aller là-bas, il pèse 450 kilos. Ouais, 450 kilos, 3 mètres d'envergure, c'est 8 hélices d'un mètre de diamètre chacune. Comment sera-t-il alimenté, cet engin? Il sera alimenté forcément par une énergie un petit peu compliquée. C'est vraiment un générateur à radioisotopes, donc on en a besoin. C'est les fameux MMRTG qu'on va mettre à bord. On ne peut pas mettre plusieurs, c'est un engin qui va être limité un petit peu par sa masse, mais on va produire en fait l'énergie électrique à partir de l'énergie thermique que va produire le plutonium 238. C'est ça, une pile de plutonium plus simplement. On n'a jamais envoyé un engin pareil nulle part dans le système solaire, Athéna Koustenis. Non, mais Titan, c'est vraiment l'endroit où on fait tous les premières. Quand on a atterri avec Huygens, c'était la première fois qu'on atterrissait dans un monde aussi lointain. Mais qu'est-ce qui rend possible ce survol? Quelles sont les caractéristiques de Titan qui rendent cette mission possible? Comme le disait votre petit extrait, Titan est un monde où, qui ressemble beaucoup à la Terre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une atmosphère très dense et une gravité très faible. C'est l'endroit idéal pour envoyer un engin comme ça. Quelque chose qu'on veut faire voler, c'est là qu'il faut l'envoyer. Et d'autres projets ont été imaginés. Vous-même, Athéna Koustenis, vous avez dans les cartons un autre engin volant que vous aimeriez envoyer sur Titan. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, l'intérêt sur Titan, c'est de pouvoir se déplacer. C'est comme partout. Ah, si on va sur Mars, on veut se déplacer. Et sur Titan, cela est un petit peu plus compliqué parce que on a une surface de boue. En gros, on ne peut pas mettre un rover dessus. On ne peut pas rouler. Et donc, on avait imaginé déjà, dans les années 2010, un ballon, une montgolfière. J'avais mené un projet qui avait été très bien reçu d'ailleurs par les agences spatiales. On l'a étudié très longtemps avec le CNES. Et ce ballon, cette montgolfière, aurait survolé l'équateur du Titan, différentes régions à 10 km d'altitude. Et dans cette équipe-là, à l'époque, il y avait Zibi Turtle, qui est maintenant la chef de mission Dragonfly. Ouais. Quel nom super, hein. Ouais. Et Libellule, c'est extraordinaire, parce qu'en plus, ça ressemble. On a cherché le truc qui ressemblait le plus à cet engin. Et avec elle, on avait imaginé quelque chose qui pouvait se déplacer sur Titan. À l'époque, c'était le ballon. Et d'ailleurs, je pense qu'un jour, on pourra le faire. Mais un drone, c'est la deuxième meilleure chose, parce que ce drone, il va pouvoir faire, en fait, des petits hops, des petits déplacements, des multiples vols et puis des atterrissages sur des petits patins. Il est prévu qu'il fasse 175 km en 2 ans et demi, ce drone. C'est presque le double de la distance parcourue par tous les rovers martiens qui ont crapahuté à la surface de Mars. Ah c'est dire le chemin qu'il va faire, ce drone. Il va faire beaucoup de chemin. Il est aidé par le fait qu'il peut en fait se déplacer en volant. Il a aussi l'énergie suffisante, puisqu'il peut en fait rester sur place grâce à l'énergie dont on parlait tout à l'heure, l'énergie nucléaire. Il peut rester au moins 8 ans au total. Alors, le lancement de Dragonfly est prévu pour quand ? 2026. Il va falloir attendre, parce que ça, c'est le décollage depuis la Terre. Mais ensuite, après, il y a le trajet jusqu'à Titan. Ouais, donc c'est pour 2034, cette mission exceptionnelle. Mais ce qui est super, c'est que c'est la même époque que Huygens. Et on va essayer d'atterrir aussi près de l'équateur. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit le plus extraordinaire. On a des dunes. Ça nous facilite la tâche, parce qu'on sait maintenant qu'on peut se poser et pas s'écraser à cet endroit-là. Et en plus, on connaît le contexte géologique. Oui, parce que vous venez de citer Huygens. Huygens, c'est la mission d'exploration à laquelle vous avez participé, Athéna Kousténis. Mmh. Alors, la mission, c'était Cassini-Huygens. Cassini, c'est la sonde qui a survolé la zone et qui a envoyé des images de Titan superbes. Et puis Huygens, c'est l'atterrisseur européen qui, pour la première fois, s'est posé sur Titan. C'est un souvenir formidable d'avoir participé à cette mission pour vous, Athéna Kousténis. J'en ai encore la chair de poule, puisque 13 ans de mission, on a attendu 8 ans, comme on va attendre aussi là, en l'occurrence avec Dragonfly, mais 13 ans de mission extraordinaire, on s'est posé en 2005, et la mission s'est arrêtée il y a exactement 2 ans, jour pour jour, aujourd'hui. Alors la mission Cassini, parce que Cassini... La mission, l'orbiteur dont vous parliez tout à l'heure, tout à fait, la mission Cassini, parce que c'est une mission qui nous apporte encore des données qui seront exploités par 3 générations d'astronomes à venir. Et puis pour Huygens, l'atterrisseur, tout s'est joué le 14 janvier 2005. Un nouveau monde s'offrait à nous. So the morning was good, the afternoon is better. La matinée fut bonne, l'après-midi est meilleur. L'homme qui s'exprime ainsi a eu du mal à contenir ses larmes. C'est Jean-Jacques Dordain, le directeur de l'Agence spatiale européenne. L'agence qui a rendu possible cette première. Une sonde s'est posée aujourd'hui sur Titan. Et d'après les premières données, tous les instruments semblent avoir marché au-delà des espérances. Une vague d'émotion et d'accolade a salué l'exploit dans la salle de contrôle. C'est très émouvant parce que il y a le travail de 25 ans qui, en quelques minutes, se traduit par les données scientifiques qui arrivent par grappe sur les écrans. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'émotions, oui, et je suis très content d'avoir vécu ce moment-là. Reportage de Sophie Bécherel dans le journal de France Inter, le 14 janvier 2005. C'est un moment incroyablement fort pour vous, Athéna Kousténis. Je vois votre œil qui pétille et qui s'allume, rien qu'à entendre cet extrait. Je crois qu'on pleurait tous. D'ailleurs, il n'y avait pas que Jean-Jacques Dordain, DG de l'ESA. On était tous extraordinairement émus. Jean-Pierre Le Breton qui avait mené le projet et tout le reste. Parce qu'on a eu une petite frayeur au début. On ne savait pas si ça avait marché ou pas à cause d'un petit problème technique. Mais qui a été résolu tellement vite par une équipe extraordinaire. Et les scientifiques derrière ont suivi cette descente au sol, où on nous avait dit que ça allait s'écraser ou je sais pas quoi. Et en fait, la sonde a survécu pendant 3h30 au niveau de la surface. 3h30 d'observation. Alors, en descendant dans l'atmosphère, la sonde a enregistré ce son. Là, on est en train de faire souffler un vent extraterrestre dans nos synapses, Athéna Koustelis. Marcello Fulchignoni et moi étions ravis que le microphone qui était posé sur l'un des instruments, c'est lui qui mesure la densité et la température sur Huygens, ça fonctionnait si bien que ça. Je crois qu'on a passé cette bande de son à toutes les conférences qu'on a eues par la suite. Ouais. Et le public ne s'en lassait pas. Ouais. On entendait le son du le vent sur un monde qui se situe à 10 unités astronomiques, 10 fois plus loin du Soleil que notre Terre. Une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Voilà. On était à 10 fois la distance Terre-Soleil et on entend ce vent qui souffle si loin. Sur quoi Huygens s'est-il posé exactement? Sur quoi a-t-il atterri? Alors on a atterri dans ce que les Américains de l'Arizona, qui connaissent bien la situation, appellent un lac asséché. Donc c'était un lac de méthane qui, à l'époque où nous on s'est posé, se trouvait être sec. C'était super parce qu'on avait un paysage extraordinaire à l'horizon. On a pu voir des canaux. Les canaux, c'était des canaux ou des rivières qui étaient faites de méthane. On a pu voir des dunes à l'horizon, des dunes qui sont faites en fait de glace et de particules organiques. Un paysage vraiment au-delà de toute imagination. Ouais, au-delà de l'imagination, et le responsable de la mission à Huygens, Jean-Pierre Le Breton, n'en a pas cru ses yeux quand il a vu les premières images de Titan envoyées par Huygens. J'avoue que j'ai eu un grand moment d'émotion parce qu'on découvrait un paysage absolument extraordinaire de la surface de Titan. Ça a été quelque chose d'absolument exceptionnel. C'était l'aboutissement de peut-être 30 ans de travail et c'était un moment dont je me souviendrai toujours. Le 15 janvier, on avait prévu une conférence de presse et l'équipe de la caméra avait réussi à assembler un panorama, en quelque sorte, à rassembler une dizaine, une quinzaine d'images. Et lorsque j'ai découvert ce panorama qui a été présenté, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est la Côte d'Azur. Le panorama tel qu'il était présenté me faisait penser à la Méditerranée, des rivières qui se jetaient dans la Méditerranée, des collines, donc je voyais la Côte d'Azur. Et c'était ma première réaction, mais c'est pas Titan, ça, c'est la Côte d'Azur. C'était bien Titan. Alors c'est quand même très différent de la Côte d'Azur, Athéna Koustelis. Ah non, pour nous si. Mais c'est étonnant, c'est si loin, si proche, parce qu'on le dit, hein, c'est du méthane qui coule sur Titan, ouais. Mais les paysages évoquent nos paysages à nous. On reconnaît pratiquement tout ce qu'on voit sur Terre. On voit les volcans, les montagnes, les dunes, les lacs. Les lacs, c'est le seul endroit, Titan, ailleurs que sur Terre, où on a des liquides exposés, il faut le dire. Ouais. Sauf que ce n'est pas de l'eau. C'est le seul endroit dans le système solaire où il y a du liquide qui coule à la surface. Voilà. On n'en connaît pas d'autres aujourd'hui. Pas d'autres. C'est le seul et unique. Et ce liquide, il se trouve que c'est des hydrocarbures, effectivement, qui, à la température de moins 180 degrés Celsius et la pression qui est pratiquement celle de la Terre à la surface de Titan, se trouve sous forme liquide. Mais il n'y a pas d'autre endroit, nulle part dans le système solaire, où on a ça. Quelle est la température locale sur Titan ? Moins 180 degrés Celsius. Moins 180 degrés Celsius. Oui. On n'est quand même pas complètement sur la Côte d'Azur, quand même. On peut pas tout avoir. Bon, alors, écoutez, là, un beau jour, vous trouverez que Titan est génial parce que quand ça commencera à chauffer dans notre voisinage du système solaire, on sera bien content de se déplacer. Ouais. Alors, la présence de méthane liquide, ça signifie qu'il y a un cycle du méthane comme il y a un cycle de l'eau sur Terre, sur Titan. Le méthane sur Titan joue exactement le même rôle que l'eau sur Terre. On a les mêmes choses. On a de la pluie, on a même peut-être de la grêle, on a de la neige, on a des lacs au niveau de la surface, on a des rivières, on forme des canaux. Et au moment où la sonde Huygens s'est posée à la surface de Titan, on a vu une évaporation du méthane. C'est comme ça qu'on a pu mesurer la quantité de méthane qu'il y avait dans ce lac asséché à ce moment-là. On dit souvent qu'il y a des similarités entre Titan et la Terre primitive. Dans quelle mesure est-ce vrai? Parce qu'avant l'apparition de la vie sur Terre, il y a des théories qui expliquent qu'effectivement l'atmosphère de la Terre était composée pas du tout de la même manière qu'aujourd'hui. On n'avait pas l'oxygène qui est venu avec la vie, mais on avait l'azote et probablement des composés organiques comme le méthane. Et c'est la même chose qu'on a aujourd'hui sur Titan. 95% d'azote, de diazote et quelques pourcentages de méthane. On a une chimie organique. Qui dit chimie organique dit vie. Peut-être. Ne nous avançons pas trop quand même, Athéna Koustelis. Il n'y a peut-être pas forcément de vie sur Titan. Je voulais dire tout simplement que la vie nécessite cette chimie organique. C'est justement peut-être à ce genre de questions que pourra répondre la mission Dragonfly lancée par la NASA.

Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi. Je sais les choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Nous sommes de ceux que la rancune sépare. Nos cœurs unis par cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. C'était Nekfeu et Vanessa Paradis qui chantaient Dans l'univers sur France Inter. Et la programmation musicale de cette émission est signée Muriel Pérez. France Inter, du vent dans les synapses. Mais c'est vrai. Ça se déplace. Mais vous avez raison, Galilée. C'est un satellite de Jupiter, Éminence. Jupiter est un satellite? Oui. Il y en a un second. De couleur brune. Ah, il paraît immobile, celui-là. Regardez donc, mon cher Bellarmine. C'est extraordinaire. Et tout cela nous était inconnu. Mais quelle merveille. C'est la planète Jupiter que je vois rayée comme un tigre. En effet. Ces couleurs rougeâtres, brunâtres, et là, on dirait des nuages. Comme autour de la Terre. Il faut que nous changions notre enseignement du tout au tout. Deux satellites à Jupiter, l'un qui bouge, l'autre immobile. En réalité, Éminence, il y a non pas deux, mais quatre satellites autour de Jupiter. Quatre? Et chacun tourne à son propre rythme, certains rapides, d'autres très lents. Quatre satellites autour de Jupiter? Mais je n'en reviens pas. Mais c'est une découverte incroyable. Athéna Kousténis, en 1610, Galilée découvrait quatre satellites évoluant autour de la planète Jupiter, la planète gazeuse la plus proche de nous dans le système solaire. Ces quatre satellites, ce sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Mais depuis, la liste s'est fortement allongée. Voilà, presque 70 aujourd'hui de découvertes. Ça va du petit caillou jusqu'à des plus gros. Les quatre que vous citez s'appellent des satellites galiléens, justement. Et c'est là que se tourne notre intérêt actuellement avec une future mission spatiale qui va aller regarder de plus près, qui s'appelle JUICE, une mission de l'Agence spatiale européenne, qui est un projet extraordinaire. Et on y retourne parce que ce sont des objets fantastiquement uniques. Fantastiques et qui ne se ressemblent pas tous les uns les autres. Ils ont chacun leur particularité. Ce sont vraiment des petits mondes à part. Pour la science-fiction, c'est un régal. Hein, pas du tout. Ils se ressemblent pas du tout. Bon, Io, le pauvre, c'est un satellite 400 volcans. Le fer fond à sa surface. Donc, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire à part observer justement les volcans. Alors on va aller faire une, alors, comme on est courageux mais pas téméraire, on va aller se promener virtuellement à la surface de Io avec une activité géologique particulièrement intense. C'est le scientifique Ashley Davies qui s'est amusé à imaginer cette promenade virtuelle. Figurez-vous un environnement extrêmement hostile, soit très froid, soit très chaud, là où surgit une activité volcanique. Pas d'atmosphère. Vos pas rebondissent légèrement, car la pesanteur sur Io, comme sur la Lune, est 6 fois moindre que sur la Terre. Vous entendez le sol craquer sous vos pieds en évoluant entre les volcans dans ces vastes plaines. Nous voici au milieu d'un champ de lave. C'est noir et relativement chaud. Cette lave provient d'un volcan comme celui qu'on aperçoit là-bas. Athéna Kousténis, cette promenade virtuelle sur Io vous semble-t-elle réaliste? Non, enfin, en tout cas, moi, je ne voudrais pas y aller du tout. Je suis désolée. Bon, je veux bien affronter le froid, mais là, les volcans et le fer fondu, non. Ouais. Qu'est-ce qu'on y trouve sur ces volcans? Et puis surtout, d'où viennent-ils ces volcans? C'est-à-dire qu'il y a une activité interne à ce petit astre? Bah, tout à fait. Ce petit astre a le problème d'être tout près de Jupiter. Et quand vous avez une énorme planète à côté de vous, vous avez des effets de marée, et ces effets de marée font bouillir en gros l'intérieur de ce satellite, et le pauvre, il n'a pas d'autre moyen de s'exprimer qu'avec ces volcans qui éjectent du soufre, comme les volcans sur Terre, hein. Mm-hmm. En gros, et on l'étudie de près, mais c'est pas mon monde préféré. Ouais. Quelles sont les couleurs de ce satellite pour c'est jaune, orangeâtre, un petit peu comme des sources chaudes de soufre sur Terre. Mm-hmm. Alors Io est un des 62 satellites de Jupiter, on aura l'occasion d'en évoquer d'autres tout aussi étonnants, mais retournons du côté de Saturne, la planète aux anneaux autour de laquelle tourne Titan, dont nous parlions en début d'émission. Il y a d'autres satellites qui tournent autour de Saturne. Combien de satellites autour de Saturne, Athéna Kousténis? 62. Le même nombre que pour les deux géantes gazeuses. Pour le moment, avec les petits cailloux autour de Jupiter, on approche les 70, mais autour de Saturne, il y en a 62 ou 63. Mmh. Parmi eux, il y a Encelade. Lui aussi, c'est un petit satellite étonnant. Extraordinaire. On pensait que c'était que pour Titan, la mission qu'on avait faite avec Cassini Huygens. Mais en fait, pas du tout. Encelade est venu voler un petit peu la vedette à Titan. C'est un tout petit satellite, 500 km de diamètre. Et en fait, on a dû s'approcher vraiment très près pour se rendre compte qu'en fait, il avait des geysers. Il a des panaches qui émanent de l'eau du pôle sud de ce petit satellite. Et ça, c'est assez extraordinaire. On ne pouvait pas comprendre comment ce satellite pouvait avoir cette énergie. Et les modèles qu'on construit encore aujourd'hui ont du mal à expliquer cette activité. En tout cas, c'est un monde fascinant. On ne sait pas ce qui produit ces geysers, d'où proviennent ces geysers? On a plusieurs modèles. On pense qu'effectivement, c'est encore peut-être des forces de marée, comme on le disait pour Io. C'est peut-être aussi le fait qu'une énergie est cumulée à l'intérieur de ce petit satellite. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la première fois qu'on arrive avec une mission spatiale à faire un échantillonnage de l'intérieur d'un monde en passant par les plumes, en passant par son atmosphère. Parce que cette atmosphère, elle est éjectée de l'intérieur et donc, on trouve de l'eau, comme je le disais, la vapeur d'eau, mais aussi des composés organiques. Mmh. C'est un monde qui pourrait être pratiquement habitable. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Quand on parle de composés organiques, ça veut dire de la matière carbonée. C'est-à-dire que ce sont des molécules qui contiennent du carbone. Exactement. C'est à la base de ce que a formé les macromolécules qui ont conduit à la vie sur Terre. Mais ce qui est fabuleux dans le cas d'Encelade, c'est qu'on pense qu'il y a un océan sous la surface. Mmh. Et jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, on n'avait qu'un autre... un seul autre satellite dans le système solaire qui était Europe, autour de Jupiter, qui présentait des signes de cette présence possible d'eau liquide à l'intérieur de ces satellites. Et on s'est tous focalisés sur Europe, alors qu'Encelade nous donne un message, il nous envoie les geysers. Il nous envoie les geysers, il nous invite à venir le visiter, c'est ce que nous allons faire. Allons nous promener sur Encelade, avec cette fois pour guide, la planétologue Caroline Porco. Si vous arrivez sur Encelade aux abords des rayures de Tigre, vous entrez dans une région de neige éternelle. Le ciel est noir car il n'y a pas d'atmosphère. Vous avez l'impression de flotter en raison de la faible pesanteur. Avec le soleil dans le dos, vous ne voyez rien, mais en vous positionnant face à lui, vous pouvez admirer un spectacle parmi les plus fantastiques du système solaire. D'immenses fontaines fantomatiques s'élancent dans les cieux. De fins cristaux de glace étincelants dont la plupart vont retomber pour couvrir le sol d'un manteau blanc. Ça semble presque féerique. Vous iriez sur Encelade, préférentiellement? Sûrement obligé de choisir entre Encelade et Io, j'irai sur Encelade. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est exactement la description qu'on donnerait pour beaucoup de ces satellites autour de Jupiter, autour de Saturne. Ce sont des mondes de glace. Ce sont des petits satellites ou de gros satellites, mais ils ont tous de la glace. Par contre, très peu d'entre eux, et aujourd'hui on en dénombre à peu près 4, ont cette caractéristique d'avoir un océan d'eau liquide sous la surface. Alors ça, déjà, comment on est sûr qu'il y a cet océan sous la surface ? À quelle profondeur se situe-t-il, cet océan souterrain ? Voilà d'excellentes questions qu'on va essayer de résoudre justement avec les missions spatiales qu'on va envoyer. Comment on le sait ? Sur Europe, on le voit au niveau de la surface parce qu'on voit des traces géologiques, des crevasses et des indications du fait que cette surface a été reformée avec des morceaux de glace qui ont été repoussés de l'intérieur par justement cet océan d'eau liquide à une époque lointaine. Sur Titan et Ganymède, on a aussi des indications par les mesures de gravité qu'on fait et les mesures de la structure interne. Et sur Encelade, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de chercher, on le voit, on sait, il y a de l'eau qui s'éjecte dans l'espace, 400 km de hauteur du pôle sud. Donc du coup, on sait que là, il y a un océan, on ne sait pas s'il est global ou si c'est des poches, mais en tout cas, là, on a de l'eau liquide sous la surface. 10 unités astronomiques, j'insiste encore. Ouais, la distance qui nous sépare de ces mondes. La distance qui nous sépare et qui les sépare aussi du Soleil, ils sont tellement plus loin que la Terre et... Contrairement à ce qu'on pensait jusqu'à présent, il peut y avoir de l'eau liquide. Alors, de l'eau liquide sous la surface, une activité géologique, ça commence à ressembler furieusement à des choses que l'on croise sur Terre, dans les grands fonds marins, à des kilomètres de profondeur. On observe ce que l'on appelle les fumeurs noires, des geysers qui témoignent d'une activité géologique sous-marine. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il se passe la même chose ? Mais on l'imagine très bien, c'est notre boulot. Nous, les astronomes. Ça paraît réaliste. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans le cas d'Encelade, comme dans le cas d'Europe, on a des indications qui nous montrent que l'océan d'eau liquide, en fait, se trouve en contact avec le cœur du satellite, c'est-à-dire les silicates, c'est-à-dire les roches, c'est-à-dire comme sur Terre. Et sur Terre, on a exactement ces smokers, black smokers, ces fumeurs noirs, qui sont à l'origine de la vie. C'est comme ça qu'on a fabriqué, en fait, le redox qu'on avait besoin pour fabriquer la vie sur Terre. Alors, pourquoi ne pas s'imaginer, même à des températures plus faibles, mais où les pressions sont comme sur Terre, la même chose. Serait-il possible que la vie soit apparue sur l'une des planètes gazeuses ? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec notre invité Athéna Kousténis. Vous écoutez France Inter, du vent dans les synapses. 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Cassini spacecraft. Walking in the Dark. C'était Métronomie sur France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Légèrement plus petite que notre Lune, Europe est recouverte de glace. D'après les données collectées par Galileo, sa surface affiche une température de moins 127 degrés Celsius. Rien de très propice à la vie. Mais la sonde, en se rapprochant, enregistre ces images. Un mystérieux réseau de fissures sombres est comme gravé sur la surface gelée d'Europe. Athéna Koustenis, nous venons de nous rapprocher d'Europe avec la sonde Galileo. Europe, c'est donc un des satellites de Jupiter. Ce satellite a un aspect très particulier. Hein. Vous aviez commencé à nous en parler, des larges sillons à sa surface. Qu'est-ce qui provoque cette allure? Tout à fait. Imaginez l'Antarctique, en fait, et vous avez des morceaux de glace qui se déforment, se reforment avec l'eau qui coule en dessous au gré des saisons. Et là, c'est pareil, sur Europe, on voit en fait des morceaux que parfois, on arrive à reproduire sur les images, on les rapproche et on voit qu'ils étaient collés à un moment donné et puis se sont déplacés. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un resurfacement, il y a quelque chose qui les a poussés. Tout de même, Athéna Koustenis, notre lune à nous, celle qui est dans notre ciel toutes les nuits, paraît bien terne à côté des lunes des géantes gazeuses qui sont toutes différentes avec des activités à leur surface assez étonnantes. C'est vrai que notre lune ressemble beaucoup à ce qu'on s'imagine d'un satellite et ressemble beaucoup aussi à notre Terre d'après les mesures les plus récentes, mais elle détient le secret de la formation du système Terre-Lune. Et c'est très important d'aller de nouveau l'explorer, parce que c'est comme ça qu'on va savoir finalement comment il s'est formé ce système, pourquoi on a un gros satellite comme ça à côté de nous. Donc ne négligeons pas notre Lune, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'océan interne et souterrain sous la surface. Non, malheureusement, il n'y a pas d'océan. On va aller explorer les régions les plus couvertes, disons, qui sont dans l'ombre, sur la face cachée de la Lune, par exemple, ou sur les pôles, pour essayer de trouver un petit peu d'eau, que ce soit sous forme de glace ou peut-être un petit peu liquide si ça s'évapore. Mais surtout, on a des projets maintenant pour aller installer des bases sur la Lune pour exploiter tout le potentiel de ces satellites où il y a des métaux, il y a plein de choses quand même. Alors, sur les satellites des géantes gazeuses, plusieurs ont ces fameux océans liquides souterrains. Il y a Encelade autour de Saturne, Ganymède autour de Jupiter, Europe dont nous venions de parler, Titan également. En plus de ces lacs d'hydrocarbures à la surface, il pourrait avoir des lacs souterrains d'eau liquide. Oui, est-ce qu'on peut imaginer que dans l'un de ces océans, la vie soit apparue ? On ne sait pas en fait comment exactement est apparue la vie. On l'a détectée sur Terre jusqu'à présent, c'est le seul endroit. Mais on sait que ça s'est formé dans des conditions un petit peu particulières. Et en extrapolant de ce qu'on sait sur Terre, par exemple, on voit quelques caractéristiques qui sont nécessaires. Qu'est-ce qu'on a besoin ? Eh ben, sur Terre, qu'est-ce que vous avez besoin pour survivre, Daniel ? De l'eau. De l'eau. Du vin en France, enfin bon, un de peu l'eau. Pour Allez. Survivre, pas forcément. Qu'est-ce que vous avez besoin d'autre ? Le soleil. Oui, énergie, et puis la nourriture. Manger et un environnement stable, parce que si je vous secoue dans tous les sens avec un soleil un peu fatigué ou un système binaire, vous n'allez pas être content. Exactement, c'est ça les quatre conditions de qu'on a besoin pour la vie, pour qu'au moins elle survive. Alors elles sont nécessaires, mais elles induisent pas forcément l'apparition de la vie. Exactement, on ne sait pas si la vie à émerger sur ce monde-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on les appelle des mondes potentiellement habitables. Ça veut dire que si la vie a la chance d'émerger, et Stephen Hawking avait imaginé une forme de vie sur Europe. Il y a même sur YouTube des vidéos qui montrent ces espèces de longues pieuvres qu'il avait imaginées avec des petites yeux lumineux, qui sont exactement les choses qu'on pourrait trouver à côté des Black Smokers sur Terre. Oui, alors là, donc ce sont les fumeurs noirs. Les fumeurs noirs. Ce sont ces geysers que l'on trouve au fond des océans sur Terre. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, Athéna Koustenis, c'est que dans ces océans souterrains, il y a peut-être, on est vraiment dans le conditionnel, il y a peut-être des formes de vie qui sont autres que des minuscules micro-organismes. Il pourrait y avoir des formes de vie plus développées qui ressemblent à des pieuvres, à des poissons ou à toute autre chose. C'est envisageable. En fait, c'est envisageable parce qu'on ne sait pas comment la vie a pu se développer sur ce monde-là. Si les océans, on ne connaît pas encore aujourd'hui la profondeur de ces océans. On ne sait pas exactement où ils se trouvent. On ne connaît pas leur composition. C'est le but de toutes les missions spatiales qu'on va envoyer à l'avenir. venir, c'est exactement extraire un petit peu ces données, ces caractéristiques des océans, avant d'envoyer peut-être un jour un atterrisseur avec quelque chose qui nous permettra de percer à travers la glace et aller voir l'océan de près. Alors ça, ce serait formidable, mais on imagine la difficulté. Les océans sont quand même, ces océans souterrains sont quand même dans les grandes profondeurs. Assez profond, sauf peut-être dans le cas d'Europe, parce que là, nous avons des régions qu'on appelle chaotiques, où peut-être que la couche de glace est moindre. Et à ce moment-là, on pourrait arriver au fond de ces océans et faire un échantillonnage. Pour le moment, les projets dont nous venons de parler n'envisagent que des robots pour explorer ces lunes lointaines et en particulier Titan. Mais un vol habité vers Titan serait-il envisageable un jour? En tout cas, certains l'imaginent. Avec l'arrivée de nouveaux colons et les premières générations nées sur place, les Titaniens étendront leur territoire à l'ensemble du globe. Leur physiologie ne sera pas la seule à changer. Ils s'inventeront une culture, des lois, un système économique, une histoire. Ils passeront de la simple survie au développement. Ils fonderont une nouvelle civilisation. Une civilisation qui s'épanouira entre la surface de Titan et sa haute atmosphère, où les Titaniens développeront d'incroyables villes flottantes bénéficiant d'un meilleur ensoleillement. Une civilisation dont la descendance oubliera peu à peu la Terre qui a vu naître ses ancêtres, pour parler d'une autre voie. Une voix singulière qui prendra en charge son propre destin. Installés en bordure du système solaire, avec des ressources d'eau et d'énergie importantes, nous, Titaniens, serons une espèce pionnière, aux avant-postes des missions qui sortiront du système solaire. Et nos enfants seront parmi les premiers à relever le nouveau défi de l'humanité, rejoindre l'une des exotères dont l'univers regorge. Titan ne sera plus cet horizon lointain et secret qu'il aura été pendant des siècles, mais le point de départ de nouvelles explorations. Extrait du documentaire « À la conquête de Titan » diffusé sur France 5, des terriens se muant en titaniens. Qu'en pensez-vous, Athéna Koustenis? Oh, je pense qu'on a un petit chemin à faire avant d'arriver là-bas. Et surtout, ayant vu le film Passengers, où vraiment, pendant le long voyage pour arriver là-bas, les humains sont pas contents d'être réveillés de leur cryogénie. Je pense qu'on a un petit chemin à faire. Et le chemin actuel envisagé par les agences spatiales est le suivant. D'abord, on va commencer par la Lune pour établir peut-être une base. Ensuite, on va aller vers Mars. Les robots nous aurons indiqué les endroits propices pour atterrir. On va faire un retour d'échantillon, ce qui nous permettra de mieux connaître en fait notre planète voisine. Et après ça, on peut envisager une colonie sur Mars. Ça, c'est déjà un voyage de 8 mois à chaque fois. Mmh. Et après, il faudra peut-être regarder un petit peu plus loin. Je vous disais tout à l'heure, effectivement, qu'un jour, il faudra qu'on déménage, mais ce n'est pas pour tout de suite. Il y a encore quelques milliards d'années. Ah oui, quelques milliards d'années. Alors, c'est pas sûr. Pour que c'est le pas soleil qu'on devienne. Soit encore là. Oui, tout d'accord. À fait. Oui, donc le vol pour Titan, le vol habité pour Titan, clairement, vous n'y croyez pas vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça prend 8 ans et demi ou 7 ans dans les meilleures conditions. Il y a un nouveau système de la NASA qui s'appelle Space Launch System, le SLS. Là, on va mettre 2 ans et demi ou 3 ans seulement, si je puis dire, pour arriver effectivement vers les planètes géantes. Mmh. Si on peut utiliser ça, la technologie progresse à des pas énormes hein, tous les jours. Donc, je ne peux pas savoir exactement, mais si on a cette possibilité, ça sera plus facile. Vous seriez partante, vous, Athéna Koustenis, vous prenez votre ticket pour Titan? Oh, ne me faites pas dire que je veux bien y aller, mais pas revenir. Il faut partir dans ce type de voyage comme les astronautes qui partent sur l'ISS régulièrement en se disant oui, je vais revenir s'ils en ont envie, mais c'est le voyage qui vaut la peine. Très bien. Vous savez que dans l'espace, personne ne vous entendra crier hein, si vous décidez de vous y rendre. Pour reprendre la célèbre phrase du film culte Alien, je vous dis ça, Athéna Koustenis, car dans un instant, nous allons aller encore plus loin dans la science-fiction en nous livrant à une étude anatomique d'Alien avec un vrai chercheur du Muséum National d'Histoire Naturelle, Jean-Sébastien Steyer, qui s'est très scientifiquement penché sur l'anatomie et la physiologie de l'abominable créature. A little trip, my supersonic ship's at your disposal if you feel so inclined. Well, alright. we're gonna travel faster than light. So do up your overcoat tight and we'll go anywhere you want to decide. Rocket ship, nobody has to be helped, nobody needs to be out of sight. Nobody's gonna travel second class, there'll be equality and no suppression of minorities. Second class, there'll be equality and no suppression of minorities. Well, alright. Let me take you on a little trip. On my supersonic rocket ship. Supersonic Rocket Ship, c'était The Kinks sur France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Du pharaon. Une forme vivante étrangère. Elle a l'air d'être morte depuis longtemps. Fossilisée. Comme si elle faisait partie de ce siège. Oh. Les os sont éclatés, comme si ça avait explosé de l'intérieur. Sortons d'ici. Un extrait du film Alien, le huitième passager, sorti en 1979, il y a 40 ans tout juste. Bonjour Jean-Sébastien Steyer. Bonjour. Vous êtes paléontologue au Muséum National d'Histoire Naturelle et avec trois autres chercheurs, vous venez de publier L'art et la science dans Alien aux éditions La Ville Brûle. L'idée était d'explorer avec un œil scientifique cette saga culte d'Alien. Oui, tout à fait. Alors on a chacun déroulé notre bobine méthodologique en fonction de nos professions respectives. Roland Lehoucq nous parle de terraformation. Frédéric Landragin, un collègue linguiste, nous parle en fait des relations homme-machine. Christopher Robinson nous parle de l'inspiration artistique de l'artiste Hans Rudi Giger à l'origine en fait du monstre. Et vous Jean-Sébastien Steyer, ouais, vous avez disséqué, vous avez ausculté la créature avec l'œil du biologiste. La bestiole est difficile à ranger dans la grande classification des animaux. Oui, Oui, oui, comme toute chimère. Alors, c'est une chimère, en fait, qui concentre beaucoup, beaucoup de caractères que l'on observe dans la biodiversité, soit actuelle ou fossile, d'ailleurs. Hein. Alien possède une sorte d'armure noire qui évoque un petit peu la chitine de certains insectes. Son mode de développement parasitoïde, très horrible, en fait, évoque aussi les insectes. Mais en même temps, on observe sur sa queue des sortes de vertèbres. Le corps est finalement assez féminin, la bouche est réduite, mais la mâchoire est extensible, un petit peu comme les larves de libellules ou certaines espèces de requins. Enfin, en fait, Alien explose un petit peu notre classification classique de l'arbre du vivant et nous pose des questions intéressantes sur, justement, cette classification. Au-delà de l'exercice amusant sur comment appliquer nos méthodes en paléontologie sur une espèce nouvelle, en prenant Alien comme exemple... Ouais. En fait, Alien pose la question de si demain on découvre une forme de vie extraterrestre vivante ou fossile, il faudra peut-être revoir nos classifications du vivant terrestre, ou plutôt terrien. C'est ça qui est intéressant aussi. Mais est-ce que ce serait possible et envisageable qu'une forme de vie extraterrestre soit une compilation de formes de vie très terrestres ? Finalement, est-ce que les scénaristes ne manquent pas terriblement d'imagination, Jean-Sébastien Steyer ? Alors oui, c'est pas forcément une nouvelle forme de vie, n'est pas forcément une chimère en fait, un composite si vous voulez d'organismes que l'on connaît déjà. C'est un écueil qu'on voit souvent dans la science-fiction, mais quand même chez Alien, on a une forme qui est très originale aussi de par son développement, de par des caractères nouveaux. On n'a jamais observé de sorte de tubes dorsaux, ces espèces de pots d'échappement, là d'ailleurs on ne sait pas trop à quoi pourraient servir ces espèces de tubes que l'on voit sur le dos du monstre. Le sang est très acide, on a quand même affaire à une forme de vie carbonée comme telle qu'on la connaît en fait sur Terre, hein, puisque Alien craint le feu et puis le vide spatial. Ouais. En fait, vous avez regardé toute la saga en long, en large et en travers, combien de fois vous avez regardé ces films pour arriver à toutes vos conclusions, Jean-Sébastien ? Oh, environ deux fois. Ah oui. Enfin, j'ai regardé deux fois chaque film, peut-être trois fois pour certains, mais ça a été un plaisir de revoir Alien, surtout que cette année est l'anniversaire du monstre, hein, 79. Oui. 40 ans que le premier film est sorti. Vous le mettriez plutôt parmi les espèces nuisibles ou invasives, Alien ? Alors, Alien est un petit peu chez lui partout, donc je mettrais l'espèce nuisible, mais une espèce en fait qui est déjà dispersée dans beaucoup d'endroits de l'univers, puisque on voit que la saga se passe sur différentes planètes, et donc Alien est, dès qu'Alien est créé par cette forme de vie artificielle et intelligence artificielle qui est David. En fait, il est déjà envahisseur. Donc, je parlerai plutôt d'espèces nuisibles. Athéna Koustenis est restée avec nous, astrophysicienne qui imagine des possibles formes de vie sur Titan. Qu'est-ce que vous pensez de... Vous avez vu Alien, évidemment, Athéna. Ah oui, oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de ce monstre ? C'est fascinant ce que raconte M. Steyer. Ouais. C'est fascinant parce que nous aussi, on passe notre temps à imaginer. Et je parlais tout à l'heure de Stephen Hawking qui imaginait une espèce de pieuvre dans Europe, dans l'océan d'Europe. Mais moi, j'adore quand les personnes qui connaissent de ce dont il parle, paléontologue ou biologiste ou quoi que ce soit, me décrivent une forme de vie étrangère qui peut être encore plus compliquée, je pense, qu'alien. Ouais. Vous m'autorisez à offrir votre livre à Athéna Koustenis, Jean-Sébastien Steyer ? Oui, avec plaisir. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Merci à tous les deux, Athéna Koustenis, de nous avoir emmenés sur Titan et sur quelques-unes des autres lunes du système solaire. Et puis merci, Jean-Sébastien Steyer. Votre livre s'intitule « L'art et la science dans Alien ». Il est paru hier aux éditions La Ville Brûle. Et vous le signez avec trois autres chercheurs de diverses disciplines qui abordent d'autres aspects du film. Bon, merci beaucoup. À la prochaine, Jean-Sébastien. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.